Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 1, du samedi 25 août 1883. Page 4, colonne 3. Nouvelle de Woonsocket. Madame Frank Côté est partie ces jours derniers pour Sherbrooke, PQ, pour un voyage de récréation. Victoria Brunel, jeune fille travaillant à la manufacture Harris numéro 2, a eu le pouce de la main droite écrasé par un engrenage lundi dernier. Madame L.J. Leboeuf, de Woonsocket, est partie pour le Canada pour assister à la prise de voile d'une de ses sœurs, qui est entré à l'Hôtel Dieu de Saint-Hyacinthe. Alfred Taillé, qui a été tué samedi soir par un convoi sur le chemin de fer New York and New England, était à Woonsocket dans l'après-dîner du même jour, en état d'ébriété. Il demeurait à Cumberland, était âgé de 23 ans et célibataire. Une voiture conduite par M. Holland de Woonsocket s'est heurtée contre celle de George Carpenter de North Attleborough, à l'avenue Hamlet, dimanche à 10h du soir. La voiture de ce dernier a été mise en pièces et sa mère, qui était avec lui, a été cruellement blessée par le cheval qui l'a foulé aux pieds. Mardi dans la matinée, un homme de North Attleborough est arrivé à la station de police et a déclaré que la veille, il avait été à Providence où il avait loué une voiture dans la soirée pour se rendre à Pawtucket. En chemin, il trouva un étranger auquel il permit de monter dans sa voiture et, arrivé à Pawtucket, les deux nouveaux amis se sont régalés de plusieurs verres. En s'en retournant à Woonsocket, l'homme d'Attleborough a dû descendre de voiture et l'autre s'est sauvé avec l'attelage, ayant en outre le chapeau, la montre et le portefeuille de celui qui le regardait fuir. La police s'est immédiatement mise aux trousses du fripon qui se trouve probablement sous les verrous à l'heure qu'il est. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike et est une production 2012 des éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'aveniraudio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.